Non, Lise Van Dyck, mesdames et messieurs. Maintenant, le texte de Alors en fait, parce que pour chacun de mes concerts, bon là c'est pas mon concert, hein, mais j'ai pris l'habitude d'offrir un poème et là j'étais censée Ne pas perdre une facture. Voilà, merci. Et c'est pas un poème comme les autres en fait, c'est un poème minute. Le poème minute, il doit être fait le jour du concert, pas avant, parce que c'est interdit. Du coup, je l'ai écrit dans le métro là. Et c'est personnalisé en fonction des gens, tout ça. Donc je le fais, ça dure une minute. Petit Reynald CKRL, c'est le nom de la radio en fait. Ce que oui, ben ça plus, c'est... C'est les vacances, bonne nouvelle, avec Pauline et Pugarence. Nous voilà bien, nous voilà belle. Faut pas chercher trop loin. Hein. Même si c'est sûr qu'à la radio, on ne sait pas Mysterioso. Par rapport à Belle. Fais-nous confiance, CKRL. Passe le bonjour à Marc Chabot, qui, à Québec, est un de mes potes. Fais-lui plein de gros becs. Un jour, je t'épouserai, Québec. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL, le 89.1 FM à Québec, la plus vieille radio associative francophone au monde vous propose Errance Reynaldienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bête lumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Reynald Gagné! Quand tu descends de l'autobus, puis que t'as plus une scène dans tes poches, tu t'assis sur un banc terminus, sors ton rouge à lèvres de la sacoche. Tu fermes les yeux, puis tu y vas, tu te beurres la bouche comme que tu peux. Plus que t'en mets, plus qu'ils aiment ça, plus que t'es beurre, plus qu'ils sont heureux. Tu trouves une petite job comme waitress, comme cigarette girl ou comme danseuse. Ton go cha-cha ou même topless, déjà tu peux te compter chanceuse. Tu fermes les yeux puis tu y vas, tu danses, tu te déshabilles, tu te vas. Puis t'essayes de trouver un corps qui va s'apercevoir que t'as du talent. Si t'en trouves un, tu sautes dessus, accroche-toi, laisse-les pas partir. Puis s'ils te demandent de reçu, marie-les même s'il y a rien de pire. Tu fermes les yeux puis tu y vas, tu cours après toi, petits agents. Tu cours après tous les petits contrats, puis tu commences à faire un peu d'argent. S'il y en a une à côté de toi, qui minaute puis qui fait la smat, ça que c'est une série de coups de pied, sans ça tu vas te trouver flat. Tu fermes les yeux puis tu y vas, il faut que tu grimpes, il faut que t'avances. Si t'es fatigué, pose-toi pas, parce que le top une maudite chance. Quand on a commencé à être connu, élimine tous tes adversaires. Faut que tu sois du seul sur ta rue, à être vedette sans avoir l'air. Tu fermes les yeux puis tu y vas, tu tiens enfin une grande vedette. Tu t'en rappelles pas, puis t'oublies toutes les vacheries que t'as faites. Il faut toujours que tu regardes en avant, il faut jamais que tu regardes en arrière. Puis s'il en reste une, tu la descends, parce que t'es pas au bout de ta carrière. Tu fermes les yeux, puis tu y vas. T'arrives enfin au bout du chemin. T'es tout seul, t'es essoufflé, mais t'es là. Il n'y a plus personne à l'avant de toi. Puis t'es belle. Là, il faut que tu penses au lendemain. Il faut que tu guettes tes arrières. Si t'envoies une descente de train, tu l'écrases, puis t'as renvoyé chez sa mère. Tu l'écrases, puis t'as renvoyé chez sa mère. Tu l'écrases, puis t'as renvoyé chez sa Ah non. Ah non, c'est encore l'émission Errance et d'Alien. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, Thomas, pour me retrouver ici, au 89.1 dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait, Thomas? Il y a des jours où je suis même pas où je suis. Hé, hey, t'es suis qui, toi? J'y suis moi-même, je suis... Ouais, mais qui tu suis? Je suis personne. C'est important de suivre personne. De faire sa tranchée. Parce qu'imagine-toi, là, hey, celle-là, là, c'est assez spécial, parce que je la vois venir. Je la prépare. Imagine-toi quand tu fais ton pain. Que tu le coupes pour faire du pain tranché. À chaque fois que tu le coupes, ton pain, il n'est pas tranché de la même manière. Non, et puis? Ça fait du pain original. Oui, et puis? Mais ça veut dire que tu peux le vendre plus cher. Oh, hey, l'intelligence, c'est un plus, là. Ce qui était... Qui? Il n'est pas... Il s'en... Oui. Ben, on a... OK. Oui, excusez-nous, hein. Mais... OK. Oui, mais le micro, c'est... Ben, c'est parce que c'était... Non. Non, c'est pas Dominique. C'est Denise Filia. Ah oui, moi, elle... Laisse-moi parler! Moi, quand tu parles, quand tu discutes avec des gens, puis te coupes tout le temps, ah ouais, mais laisse-moi m'exprimer! Puis surtout quand t'es au téléphone, au cellulaire, puis tout le monde arrive, puis arrive avec leurs propos, leurs idées, ben oui, je sais que t'en as des idées! T'es pas un imbécile, je parle pas à des imbéciles, moi! Les imbéciles avec les imbéciles, les gens qui ne le sont pas, qui croient qu'ils ne le sont pas, avec les gens qui croient qu'ils ne le sont pas! Mais en même temps, comme je dis souvent, on est toujours l'imbécile de l'autre. Fait que faites attention. Si tu te crois au-dessus de la mêlée, là, Moi, mes goujailles ont beaucoup dégagé. Ben oui, mais lave-les tes goujailles. Quand tu piles dans la yum, baya, baya, yum, là, ça se lave ces goujailles-là. Si tu mets pas, au moins dans l'eau de Javel. Je sais que tu l'as... Ouais, ben voyons donc. Ta couleur préférée, c'est pas une couleur, c'est un ton. C'est le noir. Quand tu places ça dans l'eau de Javel, ça devient plus noir, ça devient blanc. Mais au moins, c'est dégagé de toute senteur et substance étrange venue d'ailleurs. Surtout quand tu trempes dans la yum baya baya yum. Hein? Non, mais il a l'air imbécile. Regarde-moi dans les yeux, toi, là. Je te conseille le troisième. Parce que c'est celui qui envoie des renseignements intelligibles par l'intelligence normative de la société contemporaine. Je suis rendu là dans ma vie, imagine-toi. Ça sent la... Mec, ça sent la faim pour ça. Non, mais tu n'as combien? Et moi, j'ai 3 gosses. Ouais, j'ai 3 gosses et... Ben, en fait, le troisième gars, ça vient, il vient d'arriver. Il vient de... Ben, en fait, c'est elle vient d'arriver. C'est... je l'ai vu au loin, moi, là. Ah non, je suis ça, encore une autre cigogne. Ah, Saint-Tabard. Là, j'ai barré les portes, fermé les fenêtres, mais les cigognes, aujourd'hui, en 2016, sont intelligentes. Ils frappent. Allez, t'es là, voyons, non, c'est pas elle qui frappe, là. Hey, couche-toi à terre, Gaétane, couche-toi à terre. Voyons donc, la petite, les deux petits, ben, j'en amène un autre. Là. J'ai pas les moyens financiers, moi. J'suis un Québécois moyen qui travaille dans un... Hein? Je peux pas faire vivre trois enfants. Hey, déjà, premièrement, avant de te rencontrer, j'avais de la difficulté à vivre, moi, là. Comme Barbara, là, tu sais. J'ai de la misère à vivre, mais elle, c'est au niveau sentimental, c'est au niveau intellectuel, moi, c'est au niveau monétaire. J'ai pas de voiture, moi, j'ai un scooter électrique. C'est indiqué sur mon... j'ai même pas de passeport. J'ai un passeport, excuse-moi, je perds la tête encore. J'ai un passeport, oui, mais j'ai pas de permis. Quand t'es en scooter électrique, c'est une seule personne. Imagine-toi donc si on a un troisième enfant, ma belle. Reste couché, s'il te plaît. Reste couché, endors-toi. Hey, c'est la cigogne. Ben, je sais, c'est la cigogne. Les deux enfants sont là. Hey, c'est la cigogne, c'est la cigogne. J'ai dit, ah, on se met dans le trouble en 2016, en fin 2016, là. L'été passé, j'ai encore des chaleurs. Je pense que... Comme je disais à l'autre émission, c'est l'andropause. Hey, t'as un suivi? Ben, je suis tout le temps à mes autres émissions, moi. J'ai toujours été suiveux au niveau auditif. Surtout quand c'est mon entreprise. Ma petite entreprise connaît presque le pas la crise. Elle connaît presque pas la crise. Mais des fois, elle doit se baisser la tête et dire « Ah oui, j'ai fait des fautes, des grandes fautes. » Surtout au mois de juillet, là. Oh, je vous l'ai dit la semaine dernière. Le son n'était pas à la mesure de ma démesure. Mais si vous voulez tout entendre, là, dans la version intégrale CD, vous allez sur mon site Errance Rinaldienne Blogspot. En tout cas, allez sur Goggle. En tout cas. En tout cas, puis là, c'est qu'est-ce qui arrive avec l'oiseau? Ah, l'oiseau. René Simard, je sais pas. Ben, il me semble qu'il est enfant. Il se prépare un one-man show, lui, là. N'est-ce pas un one-man show? Ah oui, c'est vrai. Il se prépare un one-man show. Hey, tu t'en souvenais plus? C'est l'oiseau. Il veut plus s'entendre parler de ça, lui. Puis là, j'ai presque le goût d'aller le voir. Parce que de un, c'est un gars qui a vécu. C'est un gars qui a travaillé avec Liberace, le grand Liberace. Oh, thank you, I did a lemon, thank you. Am I wondering, Mr. Piano Man, Billy Joel, the very good Billy Joel, a beautiful man, a very beautiful man. Billy Joel and the Piano Man, j'ai saigné en écoutant Billy Joel. Parle un peu français, mais casse un peu l'anglaise. Casse les anglaises et aime le français. OK, Piano Man de Billy Joel. Excuse me, Aftermin. And not the piano and the trumpet. The beautiful rhythm. Go. Boop. Excuse me. No, I thank you. Thank you, ladies and gentlemen. And the Renault in a beautiful trumpet. Boop, boop. Oh, very good. Thank you. Wait, what is it? Boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop, boop. Thank you, and the radio, and the rain. Thank you very much, and we are holding the sunlight. It's like all the joy and the sunlight. Thank you. Oh, c'était Liberace, quand même. René Simard a travaillé avec Liberace. On oublie ça. On oublie notre histoire québécoise et surtout nos artistes qui ont fait, à un moment donné, hey, quel enfant en 74, 75, 76 ne voulait pas ressembler à René Simard? Personne. Même moi, qui ne suis pas à l'origine d'un suiveur, qui n'aime pas suivre. Parce que suiveux, là, ça fait penser aux gens qui disent, quand on leur pose la question, « Aimez-vous la lecture? » »« Ah non, moi, je suis pas un liseux. » C'est certain, là, quand tu dis un liseux, là, c'est... T'es pas liseux. « Ah, je suis pas un liseux, moi, là. Ah non, non, moi, j'ouvre les livres, mais c'est des livres comptables. Hein. » L'argent, c'est important, faut travailler, hein? Perdre sa vie à travailler, puis croire que... Puis l'argent est tellement pas intéressant qu'on le travaille dur, là, mais c'est pas si dur que ça, on va la dépenser au casino. On est des caves! C'est ça, être un cave, c'est travailler fort, puis s'imaginer qu'au casino, on va fructifier. Quand même, c'est bien, parce que le gouvernement a besoin de notre argent, nous, les travailleurs. Combien d'argent, moi, j'ai investi là-dedans? Pas grand-chose, au casino. Hey, j'ai visité avec mon ancienne copine, là, celle qui m'a laissé à Pointe-au-Pic. À Pointe-au-Pic. Elle m'a jeté. C'est comme j'étais un bac brun. J'étais un bac brun, je sais pas, à boyer noir, puis j'étais le brun, fait que pfiou, le pied, pas ouais, donc. La porte ouverte, puis, tu sais, j'étais même pas dans les... J'ai tenté d'appeler mon ami, comment il s'appelle, Jean-Paul Belmondo, pour une cascade. Elle va me tirer, fait que j'essaye le cellulaire, j'appelle Jean-Paul. Jean-Paul, comment ça va? Ça va très bien, mais... En tout cas, une grosse discussion, parce que je le connais, moi, Jean-Paul Belmondo, voyons donc. Toi, je l'ai invité à boire des verres, à tirer des jeux de cartes, parce que c'est un joueur impulsif, mais c'est un grand joueur. Et puis, à un moment donné, je suis dans le devoir de soit de me faire tuer, ou dans... C'est pas un devoir, là, mais soit que je me fais tuer, ou soit que je prends des trucs d'un professionnel de la cascade. T'en connais-tu, toi, des professionnels? Hein? On n'a pas beaucoup de professionnels de la cascade, à part Jean-Paul Belmondo. Puis là, tu te dis, ouais, mais là, maintenant, il n'est plus dans le milieu. Ben, dans le milieu, là, ça reste pour la vie. C'est pas juste un milieu où tu étais à l'époque, puis maintenant, c'est plus comme ça. T'as le réseau reste tout le temps, à mon avis, là. Quand tu quittes, ben là, c'est autre chose. Le réseau se rétrécit. T'as le réseau du haut, mais là, le réseau du haut, moi, j'ai pas le cellulaire assez puissant pour capter le haut. Puis mon Wi-Fi, il s'arrête assez près de moi-même. Là. T'sais, à 3-4 pieds, mon Wi-Fi fonctionne bien. Puis après ça, hop. Puis pour les gens qui nous écoutent, puis disent, qu'est-ce qu'ils voulaient dire avec Wi-Fi? Wi-Fi, là, c'est quand tu as un ordinateur qui est branché sur Internet, bien, c'est la captation que tu peux prendre d'Internet. Moi, c'est 3 pieds. Puis, 3 pieds, c'est quoi? C'est 6 pouces. En interurbain, je sais pas, je connais pas trop ça. Là. Si je prends mon cellulaire, je vais regarder ça, mais je vais perdre au moins 15 secondes d'intérêt de mon public. Mais je suis en train entre vous. Attendez. Outils, calculatrice, fuseau, chronomètre, tâche, note, calculatrice pour boire, convertisseur. Bon. Devise, longueur. OK. Pied. Puis moi, je disais quoi? Bon, disons, on va dire mètre. Disons 3 pieds. Oh non, on va monter à plus que ça parce que ça fait même pas un... Ah, dans mon... monsieur, qu'est-ce qui se passe là? 4 pieds. Oh, 44 pieds, non, 4 pieds. 4 pieds, ça veut dire 1m21. Fait que là, t'as 1m21 parce que là, bien sûr, il y a des gens, des puristes qui vont me dire... Monsieur. Allô, monsieur, moi c'est Didier Francoeur. vous disiez à propos des mètres, des kilomètres. Non, moi, c'est pas ça. Moi, c'est les pieds et les mètres. J'ai dit 4 pieds, 1 mètre 21. Je t'en prie, Charles. Vous avez entièrement raison. Bravo. Ben oui, c'est certain, je suis québécois. Tous les Québécois ont raison. Tous les gens qui ont voté pour le Québec ont raison. Les autres ont faux. Moi, je ne suis pas tout à fait dans la... Comment dire? Pardon? La Québécitude. La Belgitude, je connais. Je connais très bien, mais la Québécitude. C'est nouveau, ça? C'est un mets préparé ou s'il faut l'amener à la maison puis essayer de tenter faire la recette? Parce que moi, écoutez, je vais vous dire franchement, je réussis pas très bien ma sauce au poivre. Puis là, ma belle-sœur me dit, ben c'est certain, tu mets pas de poivre. Oui, mais il faut sortir des sentiers battus. Puis là, ben, elle me dit, t'es un imbécile, ben, comme d'habitude. Puis elle claque la porte. Puis le pire là-dedans, c'est que j'ouvre tout le temps. Parce que je sais pas, elle a quelque chose à m'apporter. Et puis quand je me rends compte que dans ses devoirs culinaires, elle me dirige vers des sensations que je ne connaissais pas, comme les œufs pochés. Connais-tu ça, des œufs pochés? Ben moi, écoute-moi, elle m'a dit, moi, je souffre d'allergie profonde. Oui, très profonde. Qui vient de? Très profondément de mon corps. Oui, mais où? Selon moi, c'est soit la grosse orteil ou de la muche. La muche? Ah, tu veux dire le muscadet? Non, le muscle qui contracte, décontracte. Ouais, on y voit pas. Numéro 2, on y voit pas. La muscle. Ah, l'anus! T'es pas sur la radio! Ben, vous voyez, l'anus. Écoute, on peut dire, il y a aucun problème là-dessus, là. Il y a des émissions médicales qui se passent à CKRL, puis on la nomme. Pourquoi avoir une gêne? Je sais pas une gêne, mais c'est que c'est-tu radiodiffusable? Ben, selon moi, tout est radiodiffusable. Ça dépend des oreilles. Mais écoute, moi, j'ai mis 2 oreilles de lapin sur ma TV HD. Oh! Vous vous êtes acheté une TV HD? Ben, l'autre, c'était... Je peux pas nommer la sorte, là, mais c'était une vieille TV de 92. Ben, c'est pas si vieux que ça. Ben ouais, 92, mais c'est que je l'ai fait réparer en 92. Mais peut-être de 77. Oh, OK. 77, elle a été remontée en 92, puis... Ben, je l'ai changé. Pourquoi? Ben, parce que premièrement, je prenais plus de poste. Oh! Oui, mais vous avez pas d'un genre de vidéo. J'ai plus que des genres. J'ai 2 vidéos, moi. VHS puis bêta. Et monsieur, vous êtes actuel. Très actuel. Plus actuel que ça, là, t'écoutes Radio AM. Qui? Radio AM. AM. AM. Ah, là, OK, le AM. AM. Mais il n'y a plus rien sur le AM. Parce que le AM a quitté pour atteindre le FM. Quoique dans le FM, on trouve beaucoup de monophonie. C'est pas en stéréophonie, c'est mono. Mono, c'est du mono, voyons donc. En 2016, du mono. T'écoutes du mono. Mais moi, j'aime bien ça. Mono, Georges Mono. Je suis le romancier. Oui. C'est pas celui-là. C'est la radio, la sonorité, tes oreilles. Tes oreilles, quand ils s'ouvrent à un son, il n'y a pas d'image. C'est bien. C'est pour ça que j'écoute ça, la radio. Quand c'est mono, on dirait que ça tremble. C'est frontal. Quand c'est frontal, c'est moins intéressant. J'aime bien quand les pas fonctionnent. Puis un peu comme la musique qu'on a entendue au début à ses cours réels, Errance Renaldienne. Hein? C'est quand même intéressant là, de voir qu'il y a un souffle. L'atmosphère, comme disait dans un film de mon ami, comment il s'appelle? René Clair? Non, c'est Jean Renoir. Avec Arletty puis Jean Gabin. Atmosphère, est-ce que j'ai le garde? Hein? Est-ce que j'ai l'air d'avoir une gueule d'atmosphère? Mais selon moi, t'as une gueule. Une grande gueule. Comme Renal Gagné. À savoir si c'est de l'atmosphère. Faudrait peut-être analyser le truc. Saviez-vous qu'en 2016, la QV 2016 d'Errance Renaldienne, j'ai rencontré le premier invité, c'est pas celui qu'on va entendre parce que là, nous avons une douce voix de la semaine dernière qui nous revient comme une vague irrésolue. Je veux que je viens dans cette douce vague. Et maintenant tu divagues. Avec elle, j'ai eu un plaisir fou parce que son imaginaire est éclaté. Quoique, selon moi, non, parce que c'est le mien. Donc, je me suis senti à l'aise en ce 26 sous. 26 sous? Oh mon Dieu, j'ai-tu les moyens financiers? 26 sous? Attends, on revient sur la blague du 26 sous, OK? On va dire, Monsieur le Président, OK, t'étais préparé? Non. Mais non, l'errance rénaldienne, il n'y a rien de préparé, là. Surtout, rien de préparé. Tout est improvisé. De A à B. Oui, mais C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, W, Z. Ça aussi, c'est improvisé. À l'envers, Z et Monsieur. Non, je parle. Mais il y a des gens qui sont capables de dire les lettres alphabétiques à l'envers. Monsieur le Président, pas moi. Moi, j'ai déjà de la difficulté à dire les mots à l'endroit, mais je vais les voir à l'envers. Moi, c'est pas psychédélique. Moi, c'est citer, hein? Citer ce qui est écrit. Si t'es pas capable de lire, tais-toi. Si je me tais, ben, ça va faire 2 heures de sonorité muette. La sonorité muette à la radio, c'est pas très bien. Mais ils me l'ont dit. Raymond Baudouin, le grand Raymond Baudouin qui a fait son émission de l'Alpanache au sous-sol en 96. Grand succès, là. Vous avez vu? Voyons donc, vous avez vu? Ben voyons, hey, ils faisaient des cripos. Ils annonçaient. C'était là. Monsieur le Président, Monsieur les proto-catholiques, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Monte le son, Raymond, monte le son. Bienvenue à la douce rénalité. À l'histoire finement improvisée avec votre magicien du surréalisme, Reynald Le Néant Gagné. Je parlais pas trop fort parce que j'ai monté au son maximum. Puis j'adore ça. Je vais murmurer. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspiré d'une citation de Virginia Woolf. Le citon d'entier ton, ça va faire. Oui, mais ça arrivera pas. Ça devrait pas arriver. Sinon, j'ai des avocats qui vont revenir contre ma colle. Connaissez-vous la colle à Québec, au Québec, la colle? C'est pas la prison, c'est pas l'école. C'est pas la prison du savoir. Là. Je parle pas de la prison du savoir. On sait que c'est l'école, la prison du savoir. On parle de la colle. La colle. La colite, la colique, je l'ai connue il y a à peu près 30 ans. Il y avait un petit garçonnet que j'avais sur mon épaule, puis il faisait des... Hey, imaginez-vous qu'il faisait des coliques aux... comment t'appelles ça? Aux fèves. Puis avant qu'on soit au courant que c'était aux fèves, on a fait une recherche approfondie. On a divisé les légumes. On avait fait un genre de pot-pourri légumier. Légumier? Mier? Nier? On n'a jamais nié qu'il avait des problèmes de digestion. Tout le monde a des problèmes de digestion. Moi, c'est ouvert à l'eau. À l'eau. Quand on me dit « allô », on dirait que j'ai un monde. Hein? C'est un reflux d'eau. Faut pas me dire « allô », faut me dire « salut ». On dirait que c'est quand on est Québécois, on est fier de notre choix et parce qu'on est chez nous, Reynald. Oh non, hey, j'avais fait un peu. Quand on est Québécois, on est fier de notre choix et parce qu'on a du goût. CKRL, c'est ce qu'on écoute chez nous. CKRL, c'est ce qu'on écoute chez nous. Salut! Attention, Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer. J'ai fait ça il y a 6-7 ans. C'est pour ça que ça m'est revenu. Quand ça me revient, là, les tiroirs s'ouvrent. Là. Oh, il y a de la vapeur. Puis il y a de la senteur de l'époque. C'est beau l'époque. Là. Faut souvenir des époques. Autant de la bonne chanson, les gens t'entourent ses portes. On passait tout tous au salon. Dans la paille avant la mer, on choisissait un cahier, et c'était toujours mon père qui fredonnait le premier. Ouais. Doux souvenir de ma jeunesse, venez à moi, petits enfants, je ferai de vous une caresse pour oublier mes cheveux blancs. C'est un de la bonne chanson. Les oiseaux touchaient les branches, c'est merveilleux. Bon, bon attention, le micro, excusez-moi, on fait jouer le micro parce que c'est un accessoire qui peut être, qui peut bouger. Facebook veut manipuler vos informations pour les divulguer aux extraterrestres qui viendront vous chercher pour éditer votre entité à volonté. Je savais que ça existait, moi, des extraterrestres qui viennent du certain pour assassiner mon entité, l'entité à la ballonnée. Je savais, moi, que le ballonnée, il y avait des entités, moi. Je savais que la Bologne, là, elle mangeait des viandes froides, là, ça pouvait nous amener en haut. Puis que le ciel, là, c'était pas toujours en haut, c'était souvent en bas. Quand tu regardes en bas, il y a un miroir, tu vois, en haut, là. C'est pas n'importe quoi, là. Non, mais c'est bravo, bravo. Ah, mais moi, j'étais intelligent dans ma façon de voir la vie, moi. C'est bien, ça. On appelle ça un... On appelle ça un... Un... Un... Un... Deux... Trois... On appelle ça un... Un... Un... Ben ouais, vas-y, arrêtons! Un, deux... Et trois... Quatre... Un... Un... Deux... On appelle ça quelqu'un qui est original. Bon, OK, OK. J'ai pas trouvé le mot. L'absurde aventure de l'errance... Un, deux, trois... Ah, c'est bon, hein? On s'est compté jusqu'à trois! L'absurde aventure de l'errance rénaldienne sur l'instant. On s'excuse infiniment pour ce soir, le 26 août. Mais j'ai plus de... Calme-toi! On l'a pas fait encore, le gag. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change les chapitres diégétiques. Votre itinérant langagé, Rénal Gagné. Mais avant tout, c'est le 26 août. 26 août. Attendez. J'ai 25, 10. Il n'y a même plus de scène noire. On ne pourra jamais se rendre au 26 août. Oh non, c'est une émission qui n'existera jamais. Hey, calme-toi là. Calme-toi. Non, je me calme pas, regardez. J'ai 25. Attendez. J'ai 25. Mets le micro. Steve, mets le micro. On est moins financiers d'avoir des micros. Ah ouais, mais. J'ai 25. 85. Oh, c'est en plus que. J'ai 25 cents. On peut pas se rendre à 26 cents. Comment ça? Ben, c'est noir, je te dis, ça n'existe plus. Dans ta tête. Dans ma tête. Il y a des 100 dollars. Qui? Des 100 dollars. Des qui? Des 100 dollars. Je connais pas. Mais c'est un nouveau... Un 100 dollars. Un brun. Un brun? Un mando, t'as la couche pleine? Non, non, mais... Moi, c'est de l'argent. Mais je sais, t'es à l'argent. Comme la majorité du peuple, c'est dommage. Tu perds ta vie à la gagner, mon champion. Le 26 sous, là, ça ne demande même pas une scène. Parce que c'est une date. C'est dans le calendrier! C'est comme ça! Donc, le 26 août aujourd'hui, le 26 août, pas d'argent, pas besoin d'argent. T'es à CKRL, t'as payé ta carte de membre de 25$ pour un an. Voilà, alléluia! Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, le vendredi, 26 août, pas une scène de plus. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Et croyez-moi qu'il y a des problèmes au niveau du ciboulot à errances rénaldiennes depuis la QV 2016. On va y remédier, on va régler des problèmes. Là, il y a Gaétan qui va décrocher sans doute un succès mondial avec sa chanson Mexico. En tout cas, c'est une histoire à suivre, là, parce qu'elle l'a indiqué, puis elle voudrait qu'on vous la diffuse là, maintenant, à cet instant. Mais s'il vous plaît! Oh non, on ne sait pas avoir à part. S'il vous plaît! Et s'il vous plaît, on est habitués là-dessus. Bref, apaisons les... S'il vous plaît! Hey! Mexico, on la connaît, c'est Mexico! Non, pas comme moi! Pas comme toi, mais non. Je sais, c'est pas comme toi, ça va être pire comme toi. Pire, calme-toi. Oh, je... Bref, abaisons. Hein? Abaisons. Oh! Si on chante Mexico avec toi! Oh! Bref, apaisons la surréalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous autour de notre amie Vanilla Darsa, qui a un univers qui se frôle à nous depuis la semaine dernière. La semaine dernière? Hein? Comment ça j'ai dit dernière de même, pas dernière? La nuit dernière à San Diego, il y avait Juliette San Greco. La nuit dernière à San Diego, je vous dis qu'il faisait chaud. Nous entendions des bruits d'enfance qui nous revenaient de l'espérance. Et puis maintenant, je vous propose Vanilla Darsa qui cause après la chanson. Il était un petit navire, il était un petit navire qui n'avait jamais navigué, qui n'avait jamais navigué sans Vanilla Darsa et Reynald Gagné. Ils entreprirent un long voyage, ils entreprirent un long voyage sur la mer Méditerranée, sur la mer Méditerranée, Vanilla Darsa et Reynald Gagné. Il faut nettoyer le dossier système, remettre à jour, régler les problèmes. Le geste qui sauve, c'est toujours le même, appuyer sur pomme et puis M. Sur pomme et puis M.

Suivant. Suivant. Suivant. Suivant. Suivant. Tout nu dans ma serviette qui me servait de panne, j'avais le rouge au front, le savon à la main. Suivant. J'avais juste 20 ans et nous étions 120 à être le suivant de celui qu'on suivait. J'avais juste 20 ans et je me déniaisais au bordel ambulant d'une armée en campagne. Suivant. Moi, j'aurais bien aimé un peu plus de tendresse, ou alors un sourire, ou bien avoir le temps, mais. Waterloo, mais ce ne fut pas Arcole, ce fut là où l'on regrette d'avoir manqué l'école. Mais je jure que d'entendre cet adjudant de mes fesses, c'est des coups à vous faire, des armes et d'un puissant. Suivant, suivant. Je jure sur la première vérole, que cette voix depuis, je l'entends tout le temps. Cette voix qui sentait l'ail et le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. Et depuis, chaque femme a l'heure de succomber. La richesse de la bourgeoisie, de l'aristocratie qui est magnifique. Et puis le côté un peu dans l'imaginaire lambda, le côté un peu crasseux, des gueux, etc. J'aime beaucoup cette ce contraste entre le roi soleil et les égouts que sont le peuple, en fait. Tu aimes en même temps tout ce qui est prononcé. Mais tout doit être prononcé. Tout doit être prononcé, et je crois qu'on est dans une société du secret, beaucoup. Et parfois, on a envie de dire des choses, et il y a des choses invisibles qui nous disent ça, il ne faut pas le dire. Quoi. Tu dis, ah bon, pour... Voilà, la morale, par exemple. C'est ça. Un mot ? Alors là, si j'étais un mot... Alors, il y aurait un M, je pense, dans ce mot, déjà. Un O, un A, un R... Roman, peut-être. Oui, roman, ça me va. Ouais, ouais. Ou broman, ou uroman, ou... Roman, oui, c'est bien. Ou romanie, ouais. Roman, c'est bien. Si tu étais... Parce que j'essaye de voir des mots sportifs. Si on se croirait au chiffre des lettres, les chiffres des lettres. Seconde, seconde. Si tu étais un aliment. Un animal ? Non, un aliment. Un aliment ? Ah... si j'étais un aliment, on m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Je pense que je serais une aubergine. Ouais. Parce que je trouve ça un peu ridicule. Une aubergine, c'est ridicule. Non, de répondre, je serais une aubergine. Oui, non. Bah, déjà, être un aliment, c'est assez ridicule. C'est réducteur ? Ridicule. Ah non, pas réducteur du tout, mais... Non, parce que je m'imagine en aubergine, si vous voulez. Donc, je m'imaginais en aubergine avec des gens qui marchent à côté du potager pour voir si je suis grosse ou si je suis pas trop grosse. Ça me fait rire, quoi. Voilà, ça me fait rire. C'est là, je comprends. Bah oui, c'est ça. Je suis pas sûr. Si tu étais une saison. Une saison ? Oh, si j'étais une saison, bon, je serais le printemps. Ah bah, oui. Ah bah oui. Si tu étais un membre corporel. Un membre corporel. Oh, je serais l'œsophage. Pour me sentir passer chaud lorsque je suis whisky. Ah oui, bah oui. Si tu étais un moment de la journée. Un moment de la journée. Je serai l'aube, l'aurore. Si tu étais un autre individu. Si j'étais un autre individu. Je serais une bonne concierge. Pourquoi ? Oh, parce que je les aime beaucoup. Parce que j'aime leur côté, je reste dans ma caste. Et en même temps, je vois les gens qui sont riches et je les sers, je suis cordiale avec eux, ils m'aiment, ils tiennent à moi. Donc j'aime beaucoup, voilà, le fait d'être simple et d'avoir accès à ce qui n'est pas simple, voilà. Sans pour autant se trahir. À choisir, est-ce que tu ferais la même chose ? Oui. Dans le bon sens, dans le sens chronologique. Oui. Oui, je ferai le même chemin. Comme projet, as-tu ce goût-là de ralentir le boulot, le travail alimentaire pour accentuer le travail créatif? Non, je peux pas faire ça. Non, j'ai pris beaucoup de temps pour la création, j'ai beaucoup de choses à reprendre, etc. Donc j'ai eu une création très prolifique. Non, je peux pas faire ça. Non. Je peux pas. Mais as-tu des projets ? As-tu quelque chose à part ? Ah bah oui, j'ai plein de choses à faire, c'est certain. Cette pièce de théâtre qu'il va falloir jouer. Après, qu'est-ce qu'on va en faire ? Est-ce que les comédiens... Est-ce que les comédiens ont lu le texte ? Est-ce que... Mais je suis la comédienne. Ok, ah, voilà. Et ma meilleure amie est aussi la comédienne. Ah, c'est une histoire de couple, non ? Entre elle et moi, vous voulez dire ? Non. Non, si c'est ma meilleure... Non, si... Non, si je dis que c'est ma meilleure amie, c'est que c'est ma meilleure amie. Ok. Non, j'ai des amis et des copines, c'est pas la même chose. Mais lorsque tu as écrit, est-ce que tu as écrit pour elle ? Non, Non, non, parce que je la connaissais pas. J'écris ça quand j'avais 15 ans. Oh, c'était ma première pièce de théâtre. Et c'était assez fabuleux parce que cette pièce de théâtre, j'ai envie de dire que c'est Dieu qui me l'a donnée, quoi. Parce que la veille, j'étais un peu dans, j'étais dans un désespoir. C'était l'hiver, il neigeait. Je suis sortie au dehors. Puis j'ai prié pendant des heures, sans prier par le catholicisme ou le judaïsme ou des trucs comme ça. Non, je parlais quoi, au Saint-Esprit, enfin quelqu'un qui pouvait m'entendre. Et puis dans la semaine qui a suivi, j'ai écrit cette pièce de théâtre. Quoi. Donc là, j'ai vraiment compris que... Comment ? Sans la retoucher ? Si, je l'ai retouché il y a quelques mois. Là. Mais lors de l'écriture, c'était. Mais lors de l'écriture, c'était premier jet. Ouais, et quand tu l'as relu pour en faire une deuxième. Oui, une deuxième relecture. Ouais. J'ai écrit les didascalies, j'ai fait en sorte. Parce qu'à l'époque, j'avais pas lu beaucoup de théâtre, donc j'avais écrit l'essence des personnages. Mais il a fallu quand même faire en sorte que ce soit viable théâtralement. Donc les didascalies, les décors, etc. Comme c'était très abstrait. Il n'y avait ni date, ni lieu, ni rien du tout. Voilà. Est-ce que ça t'a surpris lorsque tu as relu ce texte-là ou tu en savais la saveur? Non, et... j'en savais, oui. Okay. Non, j'écrirais. Je pense, bon, à part par le travail et l'effort, la dénaturation, je dirais, j'écrirais peut-être autre chose, mais j'écrirais toujours la même chose, au fond, je pense. Est-ce que tu connais la valeur de tes écrits? Est-ce que tu connais la. La valeur intellectuelle, la valeur... Mais non, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Je sais pas exactement, mais je sens quand même qu'il y a une certaine... Un style, une personnalité. Et puis à chaque fois, de toute façon, je marque les gens, quoi. Donc je crois qu'il y a de l'importance. Et puis je le sens quand je marche dans la rue, que je ressens que la ville de Paris me dit... C'est peut-être un peu orgueilleux, mais... Je le dis puisque je le sens, je m'en fous. Là. La ville de Paris me dit, tu vas y arriver, il va se passer quelque chose. Quoi. Je le sais, j'y crois. Je le sais. Il faut prendre le temps, il ne faut pas se presser. Ouais, il faut laisser venir. Comme... Oui, exact. La musique, est-ce que c'est important dans ta vie? Oui. Ouais, ouais. Quel genre de musique? La musique classique, surtout. La musique classique. Chopin. Oui. Chopin, les Russes, Mozart. Le matin, j'ai besoin d'entendre ça. Ça me remet les idées en place. Est-ce que c'est ton côté bourgeois? C'est mon côté bourgeois et en même temps, c'est mon côté lutte contre la bourgeoisie aussi. Tout ça se confond un peu. Ouais. Mais peut-être la lutte contre la bourgeoisie, ça serait le jazz? Oui. Mais en même temps, pas forcément, parce qu'aujourd'hui, les gens qui écoutent du jazz sont des intellectuels. Hein? Un peu, quoi. Non ? Je sais pas. Bon, après, ça dépend du monde. Son signe astrologique est celui du lion. Il a l'esprit scientifique, bien trop logique. Mon signe astrologique est celui du taureau. J'y comprends rien au mathématiques, c'est bien ça Loïc. On n'est pas fait pour s'entendre, on n'est pas fait pour se comprendre. On ne parle pas la même langue, sauf quand on est dans le même lit. Alors là on sait tout, l'alphabet de A à Z. On joue avec les mots, on fait des scrabbles en même temps. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. Une corrida. C'est comme une corrida. C'est comme une corrida. Me dit-il à chaque fois. On frise la division quand on se quitte match nul. On cible tous les deux l'arbitre, c'est notre seul point commun. Carton jaune, carton rouge, on se met toujours hors jeu. On n'est pas fait l'un pour l'autre, on ne fait pas de contre tous. On n'est pas de la même race, mais on chante le même refrain. L'amour. duelliste. Reculez, ne dites pas, tournez-vous, est chargé. C'est comme une corrida, c'est comme une corrida, c'est comme une corrida, c'est comme une corrida. Mon toréador, mais oui, c'est mon toréador. Oh oui, c'est mon toréador. Mais oui, c'est mon toréador. Oh oui, c'est mon toréador. Et oui, c'est mon toréador. Oh oui, c'est mon toréador. Mon toréador. Mon toréador. Mon toréador. Mon toréador. Mon Errance Rinaldienne sur CKRL MF

Non, non, la vie que je veux avoir, enfin l'action sociale que je veux mener, j'essaye de la mener au jour le jour. Et ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent? Est-ce que tu sens que plus les années avancent et plus les propositions arrivent ou plus tu es chatouillé par l'écriture, il y a quelque chose qui... l'acte se peaufine et il y a comme une urgence où tu laisses toujours... Ah bah oui, il y a urgence, c'est sûr. Il y a urgence, mais elle est intérieure. Enfin, j'essaye de me dire qu'elle est intérieure et que le monde, quelque part, le monde peut attendre. En plus, aujourd'hui, des écrivains, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a plus de... Enfin, c'est ce qu'on dit, c'est un peu la nostalgie de l'intellectuel. Maman, c'est incroyable. Il y en a trop. Oui, il y en a trop. Il y a beaucoup d'écrivains, mais il y a peu de penseurs, peut-être. Il y a un humoriste français qui... non, un humoriste québécois qui disait beaucoup d'humoristes, mais si peu d'humour. On peut peut-être le... Oui, oui, oui. Le coller là-dessus. Chose, hein. Ça doit être ça, oui. Ouais. Des objectifs. Pour l'instant, j'étais un peu dans l'urgence d'arranger le présent, parce que tout ça, c'est un peu difficile à gérer. Donc là, j'ai arrangé le présent. Peut-être je vais réfléchir à des objectifs, effectivement. Mais à part les écrits, la mise en place, la publication, la distribution, ouais, c'est surtout ça, quoi. C'est beaucoup de travail. Ouais, énormément. Surtout si on veut être honnête avec le public, quoi. Surtout. Et avec toi aussi. Et avec soi-même, bien sûr. Est-ce que tu crains... le problème de compréhension. Est-ce que je crains le problème de compréhension? Non, non, non, non, non. Ceux qui ne me comprennent pas, c'est qu'ils ne veulent pas me comprendre, pourquoi pas. Tu trouves que ton propos et tes écrits se veulent limpides? Est-ce qu'ils se veulent limpides? Intellectuellement, sûrement pas, parce que je m'adresse pas du tout aux intellectuels, mais sensiblement, oui. C'est-à-dire, si j'écris feu dans une phrase, feu, rose, eau et herbe, peut-être l'intellectuel il va se dire, mais c'est que ce bordel. Mais celui qui ressent, celui qui est simple, celui qui n'a peut-être pas la possession de son intellect, il le ressentira. Tu parles d'art brut un peu. Ouais. Je parle d'art brut et puis je parle aussi pour la brutalité de la vie. Parce qu'on on est tellement tendu qu'on n'a pas toujours la possibilité de réfléchir aux choses et de penser. Donc il faut faire ressentir, quoi. As-tu ce désir-là un jour de travailler avec des gens qui souffrent intellectuellement et de leur faire suivre un chemin créatif au niveau de l'écrit? Oui, je le fais déjà. Ça. Tu fais des arts? Je le fais déjà, oui. Oui, je fais. Je donne des ateliers d'écriture en bas de la rue Raymond Losserand dans une petite association de réinsertion sociale. C'est des gens qui ont des problèmes. Oui. Ce sont des jeunes dont les parents en général sont plutôt immigrés, qui n'ont pas forcément une culture très grande de la France, etc. Donc il faut les aider à trouver leur langage d'abord avant de devoir s'adapter au langage de la société. C'est ça qui est difficile. C'est que le langage de la société attaque beaucoup son propre langage et quand on ne l'a déjà pas, c'est difficile de construire sur quelque chose qui veut nous écraser. Donc voilà, il faut les faire naître quelque part. Voilà, la maïeutique de Platon, il faut. Très important. Mais tu utilises le langage de la rue ou tu utilises le langage littéraire pour entrer en communication avec... Non, j'utilise le langage de la rue, bien entendu. Mais en même temps, c'est plutôt la personnalité de la rue avec le langage littéraire. C'est-à-dire que le sens de la rue avec le langage littéraire pour faire comprendre que finalement les auteurs sont pas si hermétiques que ça. On nous fait croire que les choses sont compliquées, mais en fait tout est évidence, tout est simple à penser. Déjà, désacraliser tout ça. Oui, exactement. Et puis surtout, on dit qu'on est dans une république, mais alors il faut faire en sorte que le langage soit républicain. Mais il est complètement hiérarchique, le langage d'aujourd'hui. C'est hier j'étais au Club des Poètes rue de Bourgogne, et puis il y a un poème de... comment c'est... je ne sais plus qui a écrit... du secret de la société politique. Bon, c'est un poète moderne. Alors, le Lumanade Dubanaga a pris des positions à propos de Lumbagade Degobada, et en fait, c'est exactement ça, quoi. C'est-à-dire, on comprend rien, ouais. On croit qu'on va atteindre un secret, quelque chose, et puis on comprend rien, quoi. Donc, presque, on a envie de croire que c'est fait exprès pour que le peuple ne comprenne rien aux choses. Donc, non, il faut leur parler dans un langage, dans un sens accessible, quoi. Un Québécois, un grand poète québécois, Gauvreau, a créé une langue qui n'existe pas et il en a fait presque sa vie à lire et à promouvoir une culture et un langage qui lui était propre. C'était tout à fait jouissif. Et du même coup, il s'est tiré dans le pied en ne pouvant pas, en étant incompris. Oui. D'accord. Donc il s'est suicidé. Ah mince. Mais c'était une action tout à fait intéressante et en même temps suicidaire. Il s'est isolé quelque part. Il s'est isolé. Oui, oui. Mais il ne pouvait pas non plus utiliser un autre langage, un autre chemin. Et c'était la chronique d'une mort annoncée. La chronique d'une? D'une mort annoncée. Ah d'accord, oui, d'accord. Mais... il avait prévu son truc, quoi. Ah, c'est bon ça. Allô? Oui? Oui? Oui, ça c'est à 12h30, il est quelle heure là? Mais 12h05. Oui, il n'y a pas de problème, oui. C'est au Sancerre, c'est bien ça? C'est au Sancerre? Exactement, oui. Ok. Ok, merci. Salut, bye. Garçon, s'il vous plaît, un autre garçon. Ça fait 8 ans que je m'appelle. Un café, s'il vous plaît. Oui. Et donc, on parlait du chemin qu'on... Alors, j'ai envie de te poser une question. Tu penses que chaque chose qui est produite est une nécessité? Non. Produite... on fabrique de la saucisse, c'est pas une nécessité. Pour toi, oui. Oh non, je sais pas. Tu sais pas? Ah, t'es ta réflexion? Non, je crois pas. Puis en même temps, on peut amener ce... on peut amener cette nécessité-là. On peut créer une nécessité. On peut... avant que les cellulaires existent, on vivait. Oui. On a créé ce genre de phénomène-là. Avant que les voitures existent, on se mouvait, on utilisait nos pieds, on utilisait des moyens plus moins drastiques pour ne pas détruire la planète. Mais on ne savait pas qu'on pouvait détruire la planète. Mais non, je crois qu'il y a des gens qui calculent l'affaire et nous amènent des produits pour rendre l'individu esclave. Donc, on est esclave consciemment ou inconsciemment, mais c'est souvent inconscient. Et comme je dis souvent, j'ai le conscient extrêmement conscient. J'ai l'inconscient extrêmement conscient. Je dis aussi, j'ai l'angle mort assez vivant. Parce que je ne sais pas pourquoi on parle d'angle mort, parce que je vois beaucoup. Moi, de ce côté-là, je vois beaucoup. D'accord. Mais j'ai l'angle mort assez vivant. C'est pas mal, ça. Sur la place chauffée au soleil, une fille s'est mise à danser. Elle tourne toujours pareil aux danseuses d'antiquité. Mais sur la ville, il fait trop chaud. Hommes et femmes sont assoupis et regardent par le chaos cette fille qui danse à midi. Ainsi, certains jours paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amoureux l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme. Ouais. un jour paraît une flamme à nos yeux. À l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. L'amour l'appelle l'amour, le mendiant la charité. Le soleil l'appelle le jour et le brave homme. La bonté. Banner all over the place. Ah, je les vois déjà me couvrant de baisers et s'arrachant mes mains et demandant tout bas: est-ce que la mort s'en vient? Est-ce que la mort s'en va? Est-ce qu'il est encore chaud? Est-ce qu'il est déjà froid? Ils ouvrent mes armoires, ils tâtent mes faïences, ils fouillent mes tiroirs, se régalant d'avance de mes lettres d'amour, enrubannées par deux, qu'ils liront près du feu, en riant aux éclats. Ah, ah, ah, ah, ah. Ah, je les vois déjà, compassés et frileux, suivant comme des artistes mon costume de bois. Ils se poussent du cœur pour être le plus triste, ils se poussent du bras pour être le premier, le premier. Ils ont amené des vieilles qui ne me connaissaient plus, ils ont amené des enfants qui ne me connaissaient pas. Pense au prix des fleurs et trouve indécent de ne pas mourir au printemps quand on aime le lilas. Je les vois déjà, tous mes chers faux amis, souriant sous le poids du devoir accompli. Ah, je le vois déjà, trop triste, trop à l'aise, protégeant sous le drap tes larmes lyonnaises. Tu ne sais même pas, sortant de mon cimetière, que tu entres en ton enfer quand s'accroche à ton bras le bras de ton quelconque, le bras de ton dernier, qui te fera pleurer bien autrement que moi. Je me vois déjà m'installant à jamais, bien au triste, bien au froid, dans mon champ de soleil. Ah, je me vois déjà, je me vois tout au bout de ce voyage-là, d'où l'on revient de tout, je vois déjà tout ça. Et l'on a le brave culot d'oser me demander de ne plus boire que de l'eau, de ne plus trousser les filles, de mettre de l'argent de côté, d'aimer le filet de maquereau et de crier « Vive le roi !» Ah, ah, et toi, trouves-tu que ton travail freine un peu la création Non, pas tellement, parce que ça me donne un cadre quand même. C'est-à-dire, okay, quand on a trop de temps, c'est difficile de trouver une discipline. Ah voilà, ok. Ouais. C'est un peu le travail et ton enfant. Oui, c'est clair. Non, je pense que ça va aller, j'espère. De toute façon, si ça va pas, je changerai. Enfin, on verra bien. Mais comme là, il y a cette pièce de théâtre qui arrive, il va se passer quelque chose et il y a quelque chose qui va naître, effectivement. Qu'est-ce que tu te souhaites ? Qu'est-ce que je me souhaite ? Oh, je me souhaite un mari et... Ben non. Bah oui, bah je sais. J'ai des idées qui sont un peu à contrario de ce que me demande mon corps. Ok, tu vas avoir des enfants ? Ah oui. Okay. Ah, c'est la chose que je me souhaite. C'est de garder mes amis pour toujours et de créer des choses avec eux, de créer ce duo marionnettiste itinérant avec un van. Donc c'est la première chose. De beaucoup voyager. D'avoir des enfants éventuellement. En fait, c'est difficile. Non, des enfants physiques. Mais c'est difficile parce qu'on a plusieurs vies. Il va falloir choisir. Je souhaite aussi de mourir assez rapidement, quoi. Pour la vie. pour revivre ou pour en finir, quoi. Parce que c'est compliqué. Il se passe quelque chose, quoi. Donc, mais j'imagine souvent en rentrant chez moi, souvent quand j'ouvre la porte, je vois déjà les enfants qui courent vers moi et à qui je donne mon amour et qui me donnent l'attrait, ouais. Ouais. Mais en fait, tu veux modifier ton homosexualité par la bisexualité, tu veux... Je pense que... Je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire d'aimer son mari au niveau du corps, ou l'important c'est de le respecter, d'être cordial avec lui, de faire en sorte que sa vie soit bonne. Pour faire tes enfants. Et que ce soit un bon copain. Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Ouais. Mais peut-être que je vais pouvoir l'aimer, parce que je peux aussi aimer certains hommes. Mon désir primordial n'est pas dirigé vers l'homme, c'est certain, mais je peux très bien le respecter et essayer de l'aimer comme il se doit, et d'être une femme pour lui, d'être en talons, d'être en robe, d'avoir une morale, d'être une vraie femme. Jouer le rôle. Jouer le rôle, absolument. Est-ce que... As-tu l'esprit ouvert pour laisser ton futur mari vivre d'autres histoires? Mais peut-être que ma vie, en fait, va se figurer tout à fait d'une autre façon. C'est-à-dire, peut-être que je vais tomber amoureuse d'une femme qui va me dire, bon, bah, il faut qu'on fasse un enfant. Alors, bon, bah, alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on adopte un... Peut-être que je vais être complètement étonnée par la vie. Et à mon avis, c'est peut-être ce qui va se passer. Et donc, il va falloir que j'écrive les histoires, etc. Mais mourir jeune, c'est éventuellement vouloir se suicider? Non, je suis pas suicidaire. Ah non, je suis pas suicidaire. Ben, je veux mourir jeune parce que ça fait un peu... Non, mais c'est sûrement une bêtise, hein, certainement. Et comment on fait pour mourir jeune? On prend des risques, on devient absolu. On devient absolu, voilà. On brûle les étoiles. On brûle les étoiles, on fait tout ce qu'on a à faire, on en fait trop. On en dit trop. Et on claque. Ou on se fait claquer. Ou on se fait claquer. On se fait claquer, c'est sûr. Mais il faut prendre des risques, il faut lâcher, il faut lâcher prise, etc. Si on reste dans le confort, on risque. Il n'y a pas beaucoup de chance de mourir. Je peux voir votre montre? C'est une Cluse. Si vous voulez, je vous la vends ou je veux la changer? Non, vous la voulez ou quoi? Non, je la veux pas, elle est juste belle. Ah, merci. Mais avant, je vois Guess. Ah, pardon. Alors, Denis Arcan est un réalisateur québécois qui a fait Le déclin de l'Empire américain, un des films, c'est son film le plus connu. Et il a aussi réalisé Merci. Le confort et l'indifférence. D'accord. Le titre est quand okay. même assez... Le confort et l'indifférence. Est-ce que tu crois que le confort amène l'indifférence? Bah oui, je crois, oui. Laisse-moi. Ah oui, le confort amène l'indifférence. Oui. Es-tu une fille indifférente à la souffrance? Oula, non. Oh non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Je suis pas une fille du confort, hein. Pas du tout, mais comme je suis un peu jeune, on me demande d'être dans le confort, de vivre comme tout le monde, quoi. D'être assurée par ce voilà, que d'être assurée par les assurances, par l'État, par tout ce qui s'ensuit. Mais moi, ça me dérange pas de dormir dehors, quoi. Je m'en fous, quoi. Je m'en fous complètement de tout ça. Ce qui est important, c'est ce qui inspire, c'est le bonheur, l'harmonie. Mais on fait pas toujours ce qu'on veut, hein. On fait pas toujours ce qu'on Qu'est-ce veut. Qui fait qu'on fait pas ce qu'on veut. Et puis quelque part, je me dis, j'ai toute ma vie pour être pauvre, quoi. Ouais. La pauvreté, c'est un peu. Mais c'est un peu abusé parce que les gens me diront, celle-là, elle est complètement cinglée. Tout le monde rêve d'être riche et puis ça, bon. Mais. Mais le mieux, c'est d'être riche. Intellectuellement, être riche. Oui, ben bien sûr. Culturellement, la richesse n'est pas simplement attribuable à l'économie, non. Et Dieu merci. Les gens qui sont souvent riches économiquement sont très pauvres intellectuellement. Oui. Donc. Pas toujours, mais effectivement. Mais bon, quand on descend, on a une famille, on a des ancêtres qui ont eu une bijouterie, des machins. Ouais, je t'emmènerai sur le scénic railway. Si c'est ce que tu veux, c'est facile. Ouais, je t'emmènerai sur le scénic railway. On verra ça demain, c'est promis. Mais ne te sens-tu pas quelque peu inconsciente? Tout ce qu'aimer veut dire, le sauras-tu un jour? Ouais, je t'emmènerai sur le scénic railway. Tu n'as que ça en tête, c'est terrible. Ouais, je t'emmènerai sur le scénic railway. Mais ces émotions-là, c'est facile. Ouais, je t'emmènerai sur le scénic railway. Et cesse de bouder, c'est d'accord. Je t'y verrai ainsi que je te veux cruel, agrippé à mon bras par tes ongles blessés. Ouais, je vais te sembler un peu cynique, ouais, ouais. Y'a pas que les machines pour s'envoyer en l'air. Tu es fou. Tu es fou. s'en fout. Evelyne, je t'en prie. Evelyne, dis pas ça. Evelyne, tu m'as aimé, crois-moi. Tu es vil, tu es vil, tu es vain. Tu es vieux, tu es vide, tu n'es rien. J'adore, Evelyne. Tu vois, tu m'aimes encore. Enraciné, j'ai été déracinée dans mon enfance, très tôt. J'ai été déracinée, en fait j'ai pas grandi avec mes parents du tout, j'ai grandi à la DAS. Donc ma mère ne m'a pas élevée, ni mon père. Et ensuite, lorsque j'ai eu 16 ans, j'ai quitté ce monde ouvrier pour atterrir chez ma grand-mère qui elle était dans le monde de la bourgeoisie. Et comme ce monde ouvrier était très violent, intuitivement, j'ai associé l'amour et la richesse. Et donc, pour moi, quelque part, je suis un peu comme un contre-artiste. C'est-à-dire que les artistes ont toujours lutté contre la morale. Mais moi, je lutte pour la morale. Parce que qu'est-ce qu'on souffre quand on n'a pas de morale? Qu'est-ce qu'on souffre quand la violence est libre? Quand on fait des bêtises. On fait des bêtises, on insulte les enfants. Et donc, c'est un peu paradoxal, du coup, ça. Mais donc j'ai été déracinée et ensuite je me suis réenracinée. Et puis en même temps j'étais quand même déracinée dans mon enracinement. Donc j'en ai plein des racines. J'ai eu plusieurs parents, des pères spirituels, j'en ai plein. Et des pères spirituels. Et ce sont aussi des pères spiritueux, absolument. Mais en fait j'ai écrit une phrase il y a quelques années. Pour dire un peu vraiment les choses, c'est je ne viens de nul parti pris de l'esprit. Et c'est ça quoi. Je ne viens de nul parti pris de l'esprit. Je peux passer de l'orpheline à si mon personnage est bien construit, à l'aristocratie. Quoi. Est-ce que c'est vrai ce que tu me racontes? Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est pour ça que j'aime beaucoup Jean Genet aussi, surtout. Ouais. Et puis voilà, oui, j'ai un côté un peu orphelin qui cherche à savoir à quoi il appartient. Alors du coup, l'âme prend beaucoup d'élan dans l'histoire pour revenir jusqu'ici. Ça n'a pas été facile, quoi. Ma maman est dans un hôpital depuis toujours, un hôpital psychiatrique, enfin une maison, foyer médicalisé, quoi. Est-ce qu'on peut dire encore des maisons de repos? Ouais, on va dire ça comme ça. On appelle ça foyer médicalisé. Et mon papa m'a laissé tomber, nous a laissé tomber tout de suite. Donc lorsque j'avais 14 ans, j'ai dit, bon, bah là, il serait temps que j'aille rencontrer mon père. Donc, aller chercher son père sur les pages jaunes. Oui, bonjour, monsieur, vous avez mis en cloque une Florence il y a 14 ans. Oui, oui. Bon, bah, je suis votre fille. Ah, bon, bah, bienvenue. Et donc, ça a commencé comme ça. Et c'est là que j'ai rencontré la spiritualité, parce que mon père est fou et alcoolique, en fait. Donc, dans sa tour d'ivoire. Et donc là, il habite le Canet. Voilà, donc en fait, il était à 5 minutes de chez moi depuis toujours et je ne le savais pas. Donc j'ai découvert que j'avais deux frères, j'avais un père alcoolique. Donc avec lui, j'ai découvert l'esprit du vin, j'ai découvert le côté juif de ma famille, l'esprit, quoi. Et donc ça m'a beaucoup enrichi. Et je le voyais sans que personne ne le sache, parce que si jamais on savait que j'avais vu mon père alors que j'étais dans un système social très fermé, etc., c'était... Oh, voilà. C'est très mal vu. Ouais. Il ne fallait pas. Mais je l'ai fait, et heureusement, quoi. Est-ce que tu vas voir ta mère régulièrement ? J'essaye, quoi, tous les deux mois, tous les trois mois, mais c'est pas facile. Oui, bien sûr, mais c'est évidemment une femme que j'aime, mais ça n'est pas ma mère. C'est douloureux, pour elle. Oui, pour elle, surtout. Pour elle, surtout, parce qu'elle a fait un enfant. À mon avis, elle aurait aimé l'élever. Lui offrir ce qu'elle a. La capacité qu'il a, c'est la chose la plus troublante. Ouais. Mais bon, j'essaye de faire ce qu'elle me dit, quoi. Parce qu'elle-même, elle était marionnettiste à l'époque. Donc c'est pour ça que je suis dans le théâtre, en fait. Donc dès qu'elle me donne une information sur ce qu'elle aurait aimé que je sois ou sur ce qu'elle a été, je saisis et je deviens. Je fais comme ça. Ta mère, un peu par procuration. Bah oui, un peu, oui. Un peu, j'essaye de savoir ce que j'aurais dû être. On ne devrait pas dire ça, mais quand on est un peu enfant, on cherche ce qu'on devrait être pour rendre fiers ses parents. Donc, quelque part, j'ai beaucoup de vengeance ou de gloire à recevoir pour l'honneur de mes parents, pour mon père qui a loupé sa vie, pour ma mère qui a loupé sa vie et pour moi qui dois la réussir. Louper sa vie, c'est toi qui l'analyses comme ça ? Peut-être que pour eux, c'est... Non, ils l'ont loupé. Il l'a dit ? Je veux bien. Spirituellement, ils ont réussi. Mon père, spirituellement, il a réussi. Ça, c'est clair. Et spiritueusement aussi. Effectivement, oui. Ma mère, spirituellement, elle n'a pas vraiment réussi. Mais je leur offre une couronne, bien entendu. Je leur offre une couronne. Est-ce que tu peux... crains-tu de sombrer comme ton père dans la vie ? Ah non, je sombrerai pas, à moins de le choisir. Mais je suis trop forte pour ça. Non. L'esprit est plus fort ? Oh, oui. Non, puis je... À moins qu'il m'arrive un drame, bien entendu. Après, les choses bouleversantes. Mais pour l'instant, non. Tout va bien. Vanilla, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi. Que tu aies accepté, parce que ça ne devait pas se faire. À cause de ton travail. Ah oui, mais finalement, tu es tombée sur mon heure de repos. Donc, et voilà. L'harmonie du monde. Et bien voilà. Et c'était peut-être voulu et écrit. Peut-être. Donc, c'est un de tes personnages qui a fait en sorte de... Ouais. Peut-être qu'il y en a un nouveau qui va naître. Peut-être. Un petit rénal d'un enfant. Ah. On sait jamais. Merci d'être passé. Puis on se souhaite... Merci à toi. On se souhaite le meilleur. Bon chemin. Merci. Puis bonne carrière. Merci à toi aussi. Puis on se suit. Oui, de près, grâce à Facebook. Oui, grâce à Facebook, quand tu reviendras à Paris. Exactement. Oui. Comme un secret voilé, épuisé. elle a fait un vœu dans la nuit étoilée. Au bord d'un océan ou au fond d'une ville, fidèle comme un enfant, il y a cette fille fragile. Elle attend indéfiniment, elle attend comme on attend celui qui ne revient jamais, comme un amant abstrait. Sorrow girl, she's a sorrow girl. Sa vie est infinie depuis qu'il est parti. No more home sweet home, I believe. Changer d'envie, changer de défi. Elle n'a plus que ses souvenirs pour le faire revenir. Sorrow girl, she's a sorrow girl. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.